chantons-la. C'est la voilà, c'est la voilà. On est les camontés, on les l'emmène. C'est la voilà, c'est la voilà. C'est là pour nous songer. Regardez, regardez, j'en dis qui nous qu'à songer. Nous la qu'à faire mes yeux. Aussi une histoire qui passait, jaillissait, oubliait, songeait. C'était famille qui était là, rien dans mes prix. Yo djembe, pour nous la vie. Attendez, pour tout ne connaît l'or, yo souffert. Et pour nous sa vie plus fort, yo danser avec la mort. Dis-moi, qui prit respect, qui fait nous pas s'arriver. Oui ba yo, anti-morceau l'humanité. On chante comme là, c'est là où voilà. C'est là où voilà. On est les camontés, on les lamets. C'est là où voilà. C'est là où voilà. C'est là pour nous songer. Entends là ça, musique épitaphia. On commence, c'est les rats, c'est ça. Nous toute la nouka, terri en bas bois. Mais allez, je dis, n'a maillot dormi. Moi, on peut pas. On peut pas, tout si café en moins. On chante comme là, c'est là, voilà, c'est là, voilà. On est les camontés, on les lamets. C'est là, voilà, c'est là, voilà. C'est là pour nous songer, entend là ça, tout si café ta fia. On commence, c'est le rat, c'est ça. Mais trop longtemps, manquer du pour qui. Lever les matins, moi on peut pas, on peut pas, on peut pas. Du si café en moins, on chante comme là. C'est là, voilà, c'est là, voilà. On est les camontés, on les lamets. C'est là voilà, c'est là voilà. C'est là pour nous songer. On cache la yé, si vous prenez ton côté, dis ni de laisser fort. Côté, on est les camontés. En pays là, on peut pas faire mes yeux, on force tendez.